بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم الحديث الخامس وثلاثين، خلص كم حديث من الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير لصدري ثلاث مرات، بحسب امرئ من شر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم عن على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. بنص حديث apporté par Abu Huraira، il dit que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: ne vous jalousez pas, ne faites pas de vente de nash, ça va venir inshallah, et ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos, et qu'aucun d'entre vous ne vende sur la vente d'un autre, et soyez serviteurs d'Allah en toute fraternité. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas et il ne le méprise pas. Et que la taqwa, elle est ici, en indiquant trois fois à sa poitrine. Il dit: suffit à l'homme comme mâle de mépriser son frère musulman. Tout musulman est interdit au musulman, c'est-à-dire son sang, ses biens et son honneur, apporté par musulman. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الحديث: هذا حديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين. Donc ça, c'est un hadith qui est général, qui regroupe les comportements qui doivent avoir lieu entre les musulmans. فإن الإسلام جاء بالحث على التآخي في الله عز وجل، وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضهم بعضا. طيب، car l'islam est venu justement pour amener à la fraternité en Allah. Ce n'est pas toute fraternité, celle qui est en Allah. Et que les musulmans doivent être comme un corps uni, comme un édifice qui se renforce les uns les autres. C'est-à-dire les briques, tout ça. لِهَذَلِكَ نَهَا عَنْ كُلِّ مَا يُكَدِّرُ هَذَا الْمَقْصُودُ وَمَا يُزِيلُهُ أَوْ يُنْقُسُهُ أَوْ يُنْقُسُهُ مِنْ أَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ. C'est pour cela que la législation, elle est venue pour, justement, interdire tout ce qui pourrait faire obstacle à cet objectif de la religion, et qui pourrait le faire disparaître ou même le réduire, comme mauvais comportement. Tout ce qui amène à la division entre nous, à la haine entre nous, quand même, au manque d'amour, c'est une règle générale, tout ce qui a moyen qui y mène se verra interdit. Wa akadha. Dans le hadith, il dit: wala tahasadu, ne vous jalousez pas. Lienal hasad huwa akbar ma yufarriq bayna al-muslimin. La jalousie, c'est parmi les plus grandes causes qui divisent entre les musulmans. Et al-hasad huwa tamanna zawal al-khayr 'an al-ghayr. Izalat al-khayr 'an al-ghayr. C'est le fait de souhaiter que le bien présent chez autrui disparaisse. Et cela peu importe qu'il s'agit d'une chose que toi tu veux pour toi ou pas. Tu ne veux qu'il ne l'ait pas. Il a un bien, ton frère, et cela t'en répile, cela te met mal, cela t'irrite. Tu n'admets pas qu'il puisse avoir ce mal, ce bien. Donc à ce moment-là, tu souhaites qu'il disparaisse. Le jour où il l'a pas, t'es content. Même si toi tu ne l'as pas. Tu n'en as pas besoin. Ça rentre dans le hasad. J'ai déjà fait une muhadara par rapport au hasad avec les tafasil et tout ce qui s'y apporte. Takriban. Et le hasad, ça a été une base des principaux mots qui ont touché cette umma, même l'humanité, on va dire. Yani, awwalan, ça a été la cause que Iblis n'a pas voulu se prosterner et obéir à Allah Azza wa Jalla lorsqu'il lui dit de se prosterner pour Adam. Il était jaloux de Adam et il était orgueilleux. Ça a été les causes du premier meurtre causé sur terre, les fils de Adam alayhi salam. Lorsque, comme encore le Ta'ala, watlu alim naba abnei Adam bil haq, iskur ruba kurban hasana. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَقَبَلْ مِنْ أَخَرْ فَقَلِ لَكْتُ لَنَّكِ. Lorsque justement les deux fils d'Adam ont voulu faire une offrande faut s'approcher d'Allah Azzawajal et que l'un est accepté et pas de l'autre, celui qui n'a pas été accepté était jaloux de son frère. Et il a dit, je vais te tuer. Et de là, le premier meurtre a été commis sur terre. Sa base, c'était Al-Hasad. Bainaman, Bainakhawain, entre deux frères. Entre deux frères. Non. Donc, vous savez combien de gens refusent justement le haq de l'islam par jalousie. Et cette jalousie, ça amène à pouvoir porter le haïn à quelqu'un, lui nuire, ou à kaza. Ou mimman yukal une fawaid fi hadha al-bab, c'est que la jalousie, généralement, tu ne la trouves qu'entre bayna mutamassilayn, des gens d'un même domaine. Al-alim ala al-alim. Al-talib ala al-talib. Le commerçant sur le commerçant. La femme sur la femme. Le sportif sur le sportif. Ou à kaza. Les gens d'un même domaine qui se jalousent. Tu verras pas, mathalan, un commerçant être jaloux d'un savant. À la base. Tu verras pas un homme être jaloux de la beauté d'une femme. À la base. Ou à kaza. Car ils se concurrencent dans un même domaine. Donc chacun veut avoir le privilège d'être le meilleur, d'avoir plus, ou de ne pas avoir vouloir être quelqu'un à son niveau. Donc ça amène à ce hasad. Donc pour tout le mal que ce hasad il amène, Allah Azza wa Jal l'a rendu interdit. Et ne pas confondre avec al-ribda. Al-ribda, c'est l'envie. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hasad il est fils natay. Pas de jalousie à part dans deux choses. Qu'un homme à qui Allah Azza wa Jal lui a pris le Coran, yakra'u bilayl wa nahar, il lui reste nuit et jour, et un homme à qui Allah a donné le mal, wa salatahu fi asbul al-khayr fi al-haq, et cet argent-là, il le dépense dans le bien. Et là, c'est pas jalousie. Tu ne souhaites pas qu'ils perdent leur bien. Tu souhaites juste pas en avoir autant pour faire comme eux. On l'a pris dans le hadith. Rappelez-vous une fois de plus, le hadith de Ayyub al-Buzar. Les sahaba, à ce moment-là, n'ont pas envié les autres qui avaient de l'argent pour le confort, comme on l'expliquait. Mais ils auraient voulu avoir comme eux pour faire comme eux. Ils auraient voulu avoir comme eux pour faire comme eux, pour dépenser comme eux. Fazak, c'est une bonne envie. Une enviable. Comme on l'a dit à Allah, wa sabiqul khayrat, se devancer dans les biens. Là, il n'y a pas de mal par rapport à cela. ثم قال كذلك ولا تناجشوا ولا تناجشوا النجش من هذا نوع من انواع البيع c'est une forme de vente والقصد من النجش c'est qu'une personne vienne toi tu es un vendeur tu as de la marchandise à vendre exposée et tu as le prix qui est affiché à كذا تقول ابيع هذا بسعر كذا وكذا مثلا je vends cette chose là à 2000 riyals. Et quelqu'un vient et dit, Allah, je te l'achète à 3000 riyals. Devant les gens. Tu vois? Pour dire, moi, je la veux. C'est une chose, c'est de la qima, hada, thaman, ghalid, nawridu, akhuz al-an bi 3000. Et en vrai, il veut pas acheter la chose. Il veut juste monter le prix pour motiver les gens à vouloir venir derrière lui et acheter aussi. Donc, quelqu'un, il vient et dit, khalas, je l'achète 3500, moi. Si c'est bien comme ça, je l'achète 3500. Donc celui qui vient, qui veut monter le prix, il veut pas acheter. Lui, il veut juste monter le prix, parce qu'il est complice avec le vendeur, pour que les gens viennent et vendent la chose plus chère. Donc, bien comprendre. Maintenant, celui qui vient, qui a la niya de vraiment de vouloir acheter, ça rentre pas là-dedans. Pour ce qui est, isdiyad, ce qu'on appelle la vente aux enchères. C'est permis. Car depuis la base, c'est conclu que l'article est mis prix là, et celui qui mettra le plus, il achètera. C'est conclu, c'est connu. Il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. Alors que dans le Najash, il y a une tromperie. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer ici? Mouchtari, après, ya'lam anna hadha innama wa tamthil likay yashtari bi aghla. Il va se passer quoi? S'il apprend qu'il s'est fait avoir. Ils vont vouloir au vendeur. Ça va mener à quoi? Au qasd, qui est mamnour, qui est tabaroud. Il y aura de la haine entre eux par rapport à cela. Tu m'as eu, tu m'as escroqué par rapport à ça. Thumma qala wa la tabaradu. Ne vous détestez pas. Même, elle bourde. Elle adawa. L'yenna, l'islam, yadou, l'iraqza, alika. Nous, on doit s'aimer. Les musulmans doivent s'aimer. À la base. On ne peut se détester. Hormis dans des cas particuliers. Fihi mubarar shad'i. Ka, mathalan, fasiq. Ou al-mubtadi'. Même, quelqu'un qui amènera à faire du mal. À un musulman de base, là, tu n'as pas à le détester. Après, les gens, les hommes, en mesure de leur niveau de foi, leur stikama. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الإيمان حب الأنصار ومن علامات النفاق بغض الأنصار parmi les signes de la foi le fait d'aimer les Ansar ceux qui ont connu accueilli le Nabi صلى الله عليه وسلم à Medina parmi les signes de l'hypocrisie des hypocrites le détester وَكَذَا donc il n'y a pas de lieu de détester un musulman sans raison valable et surtout الصالحون والعلماء والذين هم من أهل السنة والجماعة tu ne peux le détester maintenant tu peux avoir un différent personnel avec quelqu'un cela ne doit pas t'emmener à dépasser les limites ثم قال ولا تدابروا قال المدابرة هي الإعراض إعراض البعض عن البعض لا تدابروا c'est le fait de se tourner le dos on ne se parle plus pour rien ça amène كذلك وحجر le fait de se boycotter pour rien لأن الحجر أصلا مشروع c'est une chose qui est légiférée mais elle doit être mise à sa place en contexte le hajr tu le fais pour des cas particuliers pas n'importe quand et pas avec n'importe qui et même des fois des gens qui méritent le hajr tu regardes les masalih les mafasid est-ce que ça amène un bien est-ce que je fasse un hajr par exemple un fasiq quelqu'un qui fait des ma'asi ouvertement et qui n'accepte pas la nasiha là-bas c'est qu'on doit faire le hajr maintenant si tu vois que ce hajr va amener son cas en pire et qu'il s'éloigne encore plus de toi alors ne fais pas le hajr Par exemple, il faut regarder. Mubtadi' hajruhu mashru'. Mais des fois, il se peut que dans une situation, cela amène plus de mal. Mathalan, une personne vient, c'est un tabliri, au milieu des awam. Il n'a pas de leur dire, eux là, les salafis là, c'est des gens, ils n'aiment personne d'eux. Ils n'aiment que eux. Ils ne passent pas le salam, ils kaza, ils sont durs, tu vois. Et après, il vient avec un groupe de awam devant toi exprès. Il te serre la main. Il attend que tu fasses le hajj pour dire regardez, je ne vous l'ai pas dit. Comme ça, les gens disent ah ouais, et il fuit. À ce moment-là, salut là-bas. Parce que ça va amener à cela. Son but, c'est ça. Donc, toi, avant, il y aura une mafsada, c'est que les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu fais le hajj. Ils ne connaissent pas encore tout ce qui est tabliri, salafi, c'est les awam, ils ne connaissent pas, ils ne distinguent pas. Donc, le fait que tu fasses le hajj, ils vont dire pourquoi passe le salam. Ils ne vont pas t'aimer, ça va faire cher de ta da'wah. Donc, toi, passe le salam. Et après, avec la da'wah dans la source, tu enseignes aux gens. Et après, ils vont comprendre d'eux-mêmes, bizna ta'ala. Mais si dès le début, tu viens et ils savent quoi, tu vas les faire fuir. C'est comme tu viens dans un lieu et tu mets directement, tu es nouveau, les gens ne connaissent pas, tu mets en garde contre les gens qui sont à la base connus chez eux. Ça passera pas. Faut que tu aies ta daroujen par étapes. Tu démontres l'erreur en premier lieu, tu enseignes le haq, et après, de fil en aiguille, bizna ta'ala, les gens vont comprendre. Ils vont finir par accepter. Et d'eux-mêmes, ils vont dire, mais un tel, il fait ça, lui. Et d'eux-mêmes, ils vont le délaisser. Ceux qui vraiment veulent la vérité. Ah ben tu viens, ils ont un frère qui est chez eux dans leur quartier, c'est un Rizbi par exemple, et depuis toujours ils sont avec lui, et tu viens, tu lui, c'est un Rizbi, n'allez pas vers lui, et les gens vont dire c'est toi direct, ils vont dire t'es qui toi? Lui, par sa cause, des gens se sont convertis, lui par sa cause, des gens se sont repentis, lui par sa cause, des gens ont appris, lui par sa cause, qu'est-ce que toi tu viens, on te connaît même pas, tu lui mords contre lui, t'es qui toi? Et lui en plus, Rizbi, il va préparer le terrain avant que t'arrives. Comme le tablieri, il va dire, lui, vous allez voir, il va venir lui, il va mettre en garde tout de suite. Ils ont que ça, ces gens-là. Mise en garde, division, sectarisme. Il va préparer le terrain. Donc toi, sois intelligent, ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir par la stratagème. Maintenant, on ne dit pas t'es moumaïr, tu fais comme si de rien n'était. Mais tu fais la chose intelligemment, avec sagesse. Bihikma. Wa yaqul, wala yabi'a ba'dukum ma la bay'a ba'd. Que vous ne devez pas vendre sur la vente des autres. Car ça va amener à quoi? À cette haine. Toi, tu es un tajir, tu es un commerçant, tu vends la marchandise, et il y a un zaboun qui vient, un client, et c'est un frère. Il est intéressé par une marchandise. Par exemple, il dit, Mathalène, tu vends des koutoubs, et il dit, ces koutoubs, ils m'intéressent. Inch'Allah, je vais les acheter. Et un autre frère qui vend aussi des koutoubs vient, et il dit, viens, moi, je les vends moins cher que lui. Viens me voir, viens. Mathalène. Ça va amener à quoi, ça? Ça va amener à ce que le premier tajir est en veille. Ça va amener à quoi? À ce cas qui est mamnour, qui est le taqatour entre nous. Donc, l'islam est venu fermer les portes à cela. Ils sont des frères, des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Que les croyants ne sont que des frères. Des frères en religion, et pas des frères de sang. Et que justement la fraternité en religion est plus forte que celle qui est liée au sang. فَالْكَافِرُ عَدُوكْ وَلَوْ كَانَ أَخَنَّكْ مِنَ النَّصَبْ وَلَكِنَ الْمُسْلِمْ أَخُوكْ فِي الدِّينِ. Par exemple, le kafir, ça peut être, c'est ton ennemi à la base, le kafir. Mais il peut être ton frère, il peut être ton père, il peut être ton cousin, il peut être ton oncle. Ça veut dire que tu auras des liens de parenté qui vont te lier à lui, ce qui n'implique pas que tu l'aimes. Même tu ne dois pas l'aimer. Alors que le ukhuwa, yani fi din, il y a à quoi? La personne tu l'aimes pour Allah Azawajal. La personne tu l'aimes pour Allah Azawajal. Et que dire, en plus, c'est ton frère de sang, c'est encore plus fort. C'est ton père, c'est encore plus fort. Et quand on dit, si en plus de cela, ton frère de sang, c'est un musulman comme toi, et qui plus est un sunni. Un sunni. Ton amour sera encore plus fort pour lui. Et à la base, c'est ça qui doit se passer. Celui qui aime pour Allah Azawajal, yuhibu fillah, yubridu fillah, il va préférer le musulman à tout membre de sa famille. Quel que soit son origine, quel que soit son statut social. T'as un frère de sang, c'est un kafir. Et demain, il y a un musulman qui vient de l'autre bout du monde. Il vient de Thaïlande, à Thalène. C'est un musulman, mustaqim. Tu vas forcément le préférer à ton frère. Les gens vont dire, mais tu ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Mais lui et moi, on aime Allah Azza wa Jal. Donc, en peu de temps, tu vas voir, les frères, ils s'aiment en peu de temps. Très, très vite. Tu arrives quelque part dans un nouveau lieu, tu ne connais personne, mais tu as que des frères. À la base, istiqama dans la sunna, vous allez vite vous aimer. Contrairement aux koufars qui se méfient directement, ils viennent, kaza et kaza. En islam, c'est pas pareil. Je parle de gens qu'on connaît. Pas d'un, quelqu'un, tu sais pas qui il est. Si c'est un musulman, tu aurais un amour pour lui, mais tu seras méfiant. Tu diras, je ne sais pas qui il est. Est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il n'est pas droit, ou à kaza. Mais si tu sais qui il est, un frère te dit, attends, je le connais, c'est un frère salafi, masha'Allah, à la sabbat, à kaza, kaza, tu vas l'aimer. Après, comme on l'expliquait, il peut y avoir des différents personnels, par rapport au comportement. Ça peut arriver, ça. Les sahabes eux-mêmes ont déjà été amenés à diverger entre eux. Et malgré cela, ça n'a pas été ce qui a poussé à outrepasser les limites, car ils avaient la mahabba al-iman qui les empêchait de dépasser les limites. Et quand bien même, un viendra à fauter, il se repent. Un viendra à fauter, il se repent. Donc, Allah Azza wa Jal nous a demandé d'être ses serviteurs en toute fraternité. En toute fraternité. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة في أول الأمر أخا بين المهاجرين والأنصار. قال لعب المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لقد تنزل entre les مهاجرين والأنصار. Il a pris un des مهاجرين, il a rendu frère un des أنصار. Comme c'est le cas par exemple entre Salman et Abu Darda. Ils ont été rendus frères. À tel point qu'à ce stade-là, au début, l'un héritait de l'autre. Après, c'était abrogé. L'un héritait de l'autre. Fuma, c'était abrogé par la suite. Ce jugement-là. Pour l'importance que cela a été. وَيَقُولْ ثُمَّ قَالَ الْمُسْلِمُ وَأَخُ الْمُسْلِمُ. Le muslim est le frère du muslim. كَفِ الْآيَةِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةِ. يَقُولْ لَا يُظْلِمُ. Il n'est pas injuste envers lui. وَذُلْمُ وَوَضْعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Faites de poser une chose en contexte. Et donc, le dhulm, sous toutes ses formes, tu n'as pas le droit d'être injuste envers un muslim. Dans ses biens, dans son honneur, dans sa personne, wa akada. Wa qala wa la yakhzulu. Tu ne l'abandonnes pas non plus. Qala idha ra'ahu yuhan fa inu yansuru wa yamna al-khuzlan anhu. Par exemple, tu vois que ton frère est rabaissé, alors tu le secours et tu empêches que cela arrive. Wa yu'ayyidu wa la yatruku lil a'da. Wa idha ra'a ahadan yatakallam fihi fil majalis fa inu yudafi anhu. Li'annahu idha tarakahu wa sakat kana dhalika min al-khuzlan. Donc il doit le soutenir. Il ne doit pas le laisser à la portée des ennemis, que ce soit les koufars qui lui fassent du mal. Ton frère, tu le défends. Ou alors même, si ce sont des musulmans qui lui font du mal, tu le défends. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Secours ton frère qui soit celui qui soit lésé ou celui qui soit injuste. » Ils ont dit « Ok, fais le zalim. »« Qala ta'khudh biyadihi wa tamna'ahu an zulmi. » Celui qui est injuste, comment tu le secours? Tu l'empêches de faire du zulm. Car yawm al-qiyamah, ce sera pour lui, à son avantage. Donc tu l'auras aidé en réalité, tu l'auras secouru. Donc tu vois par exemple des gens qui parlent mal sur ton frère, des choses qu'il est innocent, tu le défends. Tu vois, il parle sur un alim, min ulama et sunna, tu le défends. S'il parle sur l'injustement, tu le défends. Il parle sur un da'i, injustement, tu le défends. D'accord? Wa kadha. Même un frère qui à la base est une personne quelconque, qui n'a pas de particularité, qui n'est pas connue ou quoi, tu vois qu'on parle de choses qui sont injustes ou quoi, tu le défends. Sans non plus exagérer, dire ce qui n'est pas en lui, faire son éloge comme s'il était je ne sais qui. Là, tu le défends, Bilal-Ali. Tu le défends, Bilal-Ali. Tu dis un tel, ce que vous dites sur lui, moi je le connais, il n'est pas comme ça. Mais toi, ta défense, elle n'est pas ratifiée ou ta'assouben, par fanatisme pour lui. Des fois, tu as des gens, ils sont critiqués légitimement, et des gens viennent s'accrocher à eux et les défendre, injustement. Il y en a, par exemple, je ne sais pas, c'est Hizbi, ou c'est après, il fait du mal aux gens. Marlouf, tu vois, encore contre son mal. Même si c'est un salafi, par exemple. Il veut se marier avec une sœur, et les proches de la sœur, il y a Stan Sahounak, on demande conseil. Et ça, c'est parmi les droits du muslim, il dit Stan Sahaka, Fatan Sahou. On demande conseil, tu conseilles. Ils te disent, un tel, tu le connais, toi. Qu'est-ce que tu penses de lui? Mais, Biradli. Et là, tu dis, un tel, je le connais, et lui, en fait, je vous le déconseille parce que Kaza et Kaza et Kaza et Kaza. Des choses réelles. Pas par vengeance, ou pas par jalousie, ou tu dis des choses réelles. T'es sincère dans ce que tu dis. Quelqu'un vient et dit, là, Mawa Sahir. Pourquoi tu penses sur le frère, je connais sa part de bien, Kaza et Kaza. Et l'autre, il dit, moi, je le connais. J'ai vu des choses que tu n'as peut-être pas vu, toi. Voilà. Et après, t'apprends que ce qu'il défend, en fait, c'est un fanatique. Voilà, c'est tout. Hidama Hassala Zalika, fi Ka'b de Malik, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk, et que Ka'b de Malik n'a pas suivi. Kanafi, comme fi Tabouk, fa zakara Ka'ban. Fa qala ma fa'ala Ka'b. Il était au milieu des gens, il a dit, Ka'b, il est où? Wa huna qama rajulun min Bani Salama. Un homme de Bani Salama s'est levé. Il a commencé à le critiquer. Il a dit, lui, dans le sens, Ka'b, il n'est pas venu parce que, yani, il est hautain. Pour les Zalika, en le critiquant. Quand même, Mouad ibn Jabal, quand il a dit Bissama Kulta, quand il a dit Wallah, Yassoulullah, Ma'alim Arano, il est Khaira. Qui s'est levé, il a dit quel mauvais juste que tu as dit sur Ka'b. Après, il a dit je jure par Allah au message d'Allah qu'on a vu de lui que du bien. Dans le sens, si Ka'b n'est pas venu, tu vois, on ne critique pas non plus pour autant. Après, c'est vrai que Ka'b n'est pas d'excuse, mais après, il a fait Tauba. Il a fait une vraie Tauba, il a été, justement, il a pris le boycott pendant 50 jours, 50 nuits, et après, Allah Zawajel a levé la Tauba, ils ont été élevés. Ils ont été aimés de leurs frères. C'était une épreuve pour eux. Quoi qu'il en soit, les raisons pour lesquelles il n'est pas venu ne sont pas les raisons citées par cet homme-là qui l'a critiqué. Donc, on est où aller, Xibo? Voilà, t'as Xibo, allez, tu ne mens pas sur lui. Et tu ne lui mens pas non plus. D'accord? Tu ne mens pas non plus sur lui et tu ne lui mens pas. D'ailleurs, à la base, le kadhib, c'est haram. Que ce soit même un kafir, tu ne mens pas. Mais quand c'est un mensonge à ton frère, c'est pire encore. Et que dire d'un mensonge sur lui? Car à la base, avec le riba, c'est haram, même si tu dis la vérité, c'est ton frère. Il y a le riba, ou un taskur ahak, mima yakra. Tu cites ton frère de choses qu'il déteste. Donc tu n'as pas droit, ou namima. Alors qu'en est-il? Taftali alayhi. Tu viens et tu mens sur lui. Des choses qui ne sont pas sur, qui ne sont pas en lui. Et déjà dans le hadith, annaman kalafi muslim al-safihi, askanahullah yani, que Allah le fera habiter, celui qui parle d'un muslim, qui dit sur lui ce qui n'est pas en lui, que Allah le fera habiter dans le puits des gens de l'enfer. Donc Allah, voilà yarkeluhu, il ne le méprise pas. La tukalil misha'anihi, l'inan muslim indallahi azim, ne le méprise pas. Tu ne réduis pas le son, car le rang du muslim auprès d'Allah azawajal, il est très haut. Comme Allah, Ibn Omar, Amam al-Ka'ba, Allah, yani par rapport à cela, innaki la azim indallah, wa aiz le muslim, azam minki. Il a dit à la Kaaba, tu as un statut très haut auprès d'Allah Azzawajal. Mais l'honneur du muslim est encore plus haut que toi. Et de tout muslim. De tout muslim. Donc toutes ces choses-là citées dans le hadith sont des choses qui amènent à Al-Furqa. Tu méprises quelqu'un, celui qui s'est méprisé, il va te dire que toi tu es hautain. Ça va amener à quoi? Un khilaf entre vous. Par rapport à cela. Summa qala yakul al-taqwa ha'huna. La taqwa ha'huna. Yushiru les sadri salas marrat. La taqwa elle est ici, dans la poitrine. طيب لأن العبرة بالقلوب لا بالظاهر كما قال الشيخ en considération en premier lieu ce sont le cœur et non pas l'apparent directement madame ana mu'min al-qalb فإنه لو قدر عند الله سبحانه وتعالى tant qu'il est croyant dans son cœur alors il a un rang à respecter auprès d'Allah سبحانه وتعالى قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Que Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos corps, ni vos biens, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc la ibara, c'est cela. Wa yaqul, le thème bien important par rapport à ce hadith-là, wa laysa al-ma'na anna معنى ما يظن بعض الناس أنه يفعل ما يشاء من الجرائم والمعاصي ويقول التقوى بالقلب. Maintenant, faut pas prendre un hadith comme certains y font. Ils imaginent qu'ils font le pire des crimes, le pire des actes, et après ils disent la taqwa est dans le cœur. قال لا هذا عكس ما يدل عليه الحديث لأن إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلح الجوارح. Comme on l'a dit auparavant. Car cela c'est tout le contraire. Celui justement qui à la base a une taqwa dans son cœur, ça va apparaître à travers ses actes. Donc ceux qui disent cela sont des gens, d'accord, qui en réalité se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres. Il fait du mal à longueur de journée, et après il te dit, la foi est dans le cœur, comme vous le savez. Il dit, Shubwa Burjia. Donc, taqwa hauna. C'est-à-dire, ça part d'ici, et ça se retransmet à travers les actes. Quand la bihasb, mir'in min ashar, an yakir akhul muslim. Donc, même le seul, tu n'as pas lésé un frère. Tu ne lui as pas menti. Tu ne mens pas sur lui. Tu n'as pas vendu sur sa vente. Tu, مثلاً, tu n'as pas fait de najash, comme on a dit au début. Tu n'as pas tourné le dos. Au fond, toi, tu le méprises. Tu lui, de toute façon, lui, c'est voilà. Et ben, ça, ça suffit comme mal. Ce que tu ressens en toi par rapport à ton frère, comme mépris, ça suffit comme mal. Et souvent, ça va amener au reste. Souvent, ça commence là. Ça commence par du mépris. Ce qui va t'amener à ce qu'après, tu vas le léser. Filra ali bi'arsulahada. Tu vas le léser. Par exemple, quelqu'un que tu méprises, tu vois qui, il n'y a pas de valeur pour toi. Demain, il a un khayn, tu vas être jaloux. Tu vas dire, comment lui, il a ça? Lui, là, il a ça. Ah non. Ça va t'amener à quoi? À la jalousie. Enfin, en sorte que ce bien qu'il a obtenu, il le perd. Ça commence par le higd, dans ton cœur. Donc, tout comme, taqwa hauna, le bien commence par là, le mal également commence par là. Après, il dit, kulu muslim ala muslim haram. Tout muslim interdit tout muslim. Daimuhu, son sort. On a appris qu'on ne tue pas le muslim. Comme on prend le hadith d'Ibn Mas'ud, il l'a bi'ihda thalath. En trois cas. Et ils sont plus que cela. Des cas légitimes. Sans quoi? Son santé interdit. Et tu viendras tuer un musulman. Alors après, il y a une dia. Il y a un prix de sang à payer. Et si c'est volontaire, que ça, c'est un lion. Quand t'as kalam nafihada, on en a déjà parlé auparavant. Son argent kazalik. Tu vas pas le prendre son argent. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a fait le hadith. Le chien yafkourou, la yahillu mal mir'in muslim illa bi tibet minafsi. Que aucun bien du muslim n'est interdit, quand même, à part si lui il accepte. Ne serait-ce même que le bouchon d'un stylo, tu lui prends, je parle de quelqu'un qui agit délibérément, et à ce moment-là tu n'as pas le droit. Un siwak qui est à lui, tu n'as pas le droit de le prendre. Sans son autorisation. Wa akhadna dans le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, umirtu nukatil al-nas, il an kala, fa in fa'lu zalika, si jamais ils adorent Allah, ils font la shahada, ils font la salat, c'est de la zakat, leur vie et leur bien me sont interdits. C'est-à-dire que le bien du muslim, il est sacré, tu ne peux pas le prendre. À part ce qui est de la zakat, tu le prends de force, tu ne peux pas la donner. Ou alors le droit des gens, par exemple, il a pris de l'argent à des gens, il l'a emprunté, après il ne peut pas rembourser, il est en mesure de rembourser, là, à ce moment, il est permis aux autorités de lui imposer cela. Ça, c'est des cas particuliers. Sinon, à la base, il n'a pas le droit de prendre ses biens. Ni par les impôts, ni par les douanes, ni par les taxes. Tout cela, c'est interdit en religion. Ça n'existe pas. Donc, il y a parmi des hadiths qui sont venus dans cette règle-là. La yartub ahadun ala khidbat akhi. Par exemple, quelqu'un, il a fait une khidba avec une femme. Tu n'as pas le droit de venir faire une khidba avec elle également. La demande en mariage. Pourquoi? Adal ayr, adal qasd. Ça a amené à quoi? Il vient, il se présente auprès d'une sœur. Ils ont fait une khidba. Mathalan, la sœur l'a accepté. Quelqu'un vient et dit, moi, je te donne un mahr plus grand, à Salen, j'ai kazad, t'as plus de privilèges avec moi. Alors quand il a déjà fait la khidba, c'est conclu. Ils ont pas encore fait l'agd, ils vont se marier. Parce que tant que l'agd n'est pas fait, la sœur peut changer d'avis. Même le frère. Mais ils sont mis d'accord, elle a fait la khidba. Ben, quelqu'un ne peut pas venir là maintenant et non, demander elle en mariage à ce moment-là. Tant qu'elle ne s'est pas désistée de lui. Ça va amener à quoi? À hada. Ou à achad. مما فرق بين المسلمين parmi les pires des choses qui ont mené à diviser est un infos sur la dunya, la concurrence de la dunya, obtenir les biens de la dunya. Déjà beaucoup de choses qu'on a citées ici viennent là-dedans, comme la vente, d'accord, la vente ou à ذلك, ça vient à quoi? La dunya. Donc à ذلك la bid'a ça a divisé la umma. La bid'a est la plus grande cause de division dans la umma. ou achat des bidats qui est dans Zemen, parmi les pires des bidats de cette époque-là, la Hizbiya. Même la Hizbiya qui est Al-Wala ou Al-Bara Dayyik. L'Ishay, que les gens s'avouent, se désavouent, s'allient pour une chose autre que le Haqq, pour un individu, pour une idéologie, ou pour un groupe, ou à Kaza, que ce soit la Hizbiya, le parti de l'esprit de parti politique, ça divise entre les gens. Même dans les pays d'islam, t'as le parti Kaza, t'as le parti Kaza, ça même se divise. Comme encore l'État là, on aura beaucoup de fa'aboudoun. Et que votre communauté n'est qu'une seule communauté juste sur votre Seigneur, alors adorez-moi. On n'a pas se diviser en partie. Quand ce qui nous gouverne, c'est quittez-moi sunna. Il n'y a pas quelqu'un qui veut une nouvelle idée. Si cette idée est conforme à la sunna, ou quittez-moi sunna, pas besoin de partie. On t'écoute. On accepte. Et la Hizbiya, après, dans, au nom, comme encore le Chamoubil l'appelle, la Hizbiya, al-Mughallafa. La Hizbiya couverte. Des gens qui se disent salafi et qui sont des hizbis. Ça amène à la division. Ça amène à la division. Et aujourd'hui, on a des effets néfastes. D'accord? On l'a connu, nous, à Demej. Ce qui s'est passé comme Hizbiya. Aujourd'hui, les gens le connaissent encore également. Ce qui est le plongement de cette Hizbiya de Demej qui continue jusqu'à aujourd'hui. Qui se prolonge. Et les gens n'auront de cesse de se subdiviser tant qu'ils ne reviendront pas à la vérité depuis son début. Ils se diviseront. Aujourd'hui, ils sont alliés. Demain, ils seront ennemis. Car leur alliance n'est pas pour défendre le haq, mais leur alliance pour défendre l'ashras, défendre des individus et défendre des intérêts personnels qu'ils ont peut-être, une association ou un projet ou une personne ou akada. Non. Taïe. Souma n'a trouvé le hadith à Salis wa Salasid. Yaqul à Nabi Hurayra radiallahu anhu. Qal qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man nafasa an mu'min. كُرْبَةً كُرَبْ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً كُرَبْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه رواه مسلم بهذا اللفظ toujours selon Abu Huraira le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui soulage un croyant d'une affliction parmi les affections de cette dunya, Allah le soulagera une affliction parmi celles de du jour de du jugement de la résurrection. Celui qui facilite à une personne endettée dans la difficulté, Allah lui facilitera en ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui cache un muslim, Allah le cachera dans la dunya et dans l'au-delà. Et que Allah est dans l'aide du serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Et que celui qui cherche un moyen pour trouver la science, Allah lui facilitera à une voie le menant vers le Jannah, vers le paradis. Et que tu ne trouveras pas des gens se réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah, parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les masajid, où ils lisent le livre d'Allah, où ils étudient entre eux, sans que ne descende sur eux la douceur, la quiétude, et qu'ils soient recouverts par la miséricorde, et que les anges les encerclent, et que Allah les cite auprès de ses ange rapproché. Et que celui pour les œuvres le ralentiront, que sa généalogie ne pourra pas lui profiter. Dans le sens apporté par Mousseline. Non. Va yaqoul al-Sheikh al-Fawzan, هذا الحديث كأنه مقابل للحديث الذي قبله. Que ce hadith vient comme faire contrepoids du hadith précédent. Le hadith précédent a parlé des choses qui sont blâmables. Ce hadith vient pour montrer les choses qui sont louables, contraires aux choses précédentes. Comme si on t'a expliqué le problème auparavant, mais on te donne la solution. Donc dans la première partie du hadith, il dit « Man nafasa al-mu'min korbatan korab al-dunya nafasa Allahu anhu korbatan korab yawm al-qiyamah » que celui qui va soulager un croyant d'une affliction parmi les affections de ce bas monde, Allah le soulagera également parmi celles de ceux, le Yom al-Qiyamah, qui seront les pires. Une affliction en ce bas monde n'est rien comparée à celle de l'au-delà. Surtout le jour où le soleil sera sous nos têtes et que les gens demanderont qui pourra faire shafa'a pour eux. Ils iront voir tous les messagers. Et tous vont leur dire nefsi, nefsi, nefsi. En citant une de leurs fautes ou ce qu'ils pensent être une faute. Pour au final finir vers qui? Vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où il n'y aura pas plus de jours plus difficiles pour eux que ce jour-là. Donc à ce moment-là, si tu vois que ton frère est dans une difficulté, que tu peux l'aider, d'une aide quelconque qui soit à ta portée, qu'il soit en difficulté financière, tu l'aides, qu'il soit, masalen, sans abri, que tu l'héberges, qu'il soit dans le besoin de manger, tu le nourris, ça, kada, toutes les aides que tu peux apporter à ton frère à ta portée, à être fier del hadith. Yaqul, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Celui qui facilite une personne endettée ou dans une difficulté, que Allah lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال المرسل والذي عليه دين ولا يستطيع سداده فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنذره إلى وقت آخر وإما أن تسقط عنه الدين كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة. Le mursil, celui par exemple qui a une lourde dette qu'il ne peut rembourser, il s'est endetté auprès de toi par exemple et vous avez décrété d'un délai, le délai est arrivé et il ne peut pas. À ce moment là toi, qu'est-ce que tu fais? Tu reportes le délai. Au moment où il pourra, tu reportes. Ou alors, le mieux encore, c'est que tu le gracies, tu dis la dette, khalas, elle est passée la dette. D'accord? Comme dans le verset, car là, dans le sens où il dit, que si jamais c'est une personne qui a des difficultés de rembourser la dette, alors soit tu reportes, ou soit alors tu fais aumône. Et faire aumône, cela est encore meilleur pour vous, si vous le saviez. Wa kada. Et à savoir que quelqu'un qui emprunte, qui avance de l'argent à quelqu'un, et on parle d'une personne qui réellement n'est pas en mesure de rembourser, pas quelqu'un qui est à l'arabe, il peut mais il joue, lui c'est autre chose. Tu as prêté de l'argent à un frère pour une raison particulière, et ce frère là il est sérieux, il est vraiment dans le besoin, et le temps est arrivé, il ne peut pas rembourser par exemple. Et ben toi, tu ne vais pas lui mettre la pression. Yahri, hey, faut que tu me rembourses, kada, kada, kada. Même toi tu es dans le besoin, et le frère ne peut pas, irhamhu. Et sache que, comme l'a cité notre cher, le hadith, là je ne l'ai plus en tête, que pour toi ce n'est pas une perte. Que chaque jour que tu reportes la dette que tu lui as fait, c'est une somme d'accord de cette dette-là que tu lui donnes. Par exemple, tu as donné, je ne sais pas, tu as pensé à un frère, 200 euros. Tu lui dis, tel jour tu me rembourses. On se dit d'accord. Le jour il est arrivé, le frère il n'a pas l'argent. Tu lui dis, khalas, on reporte à un mois. Et bien ces 30 jours-là, chaque jour, c'est comme si tu lui as fait une somme d'accord de cette somme-là, de 200 euros. De chaque jour tu lui as fait. Donc tu n'as pas de perte. Tu n'as pas de perte. Et tu ne sais pas. Venir lui mettre la pression, dire, Harry, rembourse-moi, j'ai besoin de l'argent. Le frère dit, je ne peux pas te rembourser, je suis désolé, je m'excuse pas de toi. Tu mets la pression. Demain, il se peut que tu sois dans la même situation que lui. Que quelqu'un t'emprunte, tu ne peux pas rembourser. Comment on met la pression? Tu ne vas pas apprécier. D'accord? Donc là, on parle bien de quelqu'un qui ne peut pas. Qui, lui, il a lié de rembourser, mais ne peut pas. Là, t'as chouda alayhi. Irhamhu, et Allah, c'est Irhamuk. Et tu vas le retrouver par la suite. Toi, dans ce que tu auras fait avec lui, un autre te le rendra de la même façon. Et au pire des cas, yawm al-qiyamah tajidu. Comme dans le hadith. Yassalallahu alayhi fi dunya wal akhirah. Donc c'est ça pour toi. Comme on a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, ta'arafa Allah fi raha, yani fuka fi shidda. Connais Allah dans la facilité, dans l'aisance, tu le trouves dans la difficulté. Donc aujourd'hui, tu es à l'aise. Tu peux aider quelqu'un, aide-le. Et le jour où tu seras dans la difficulté, cela, tu le trouveras. Et en plus, ça pour toi, ta wasul shari, pour invoquer Allah Azawajel par tes actes pieux. Donc, il n'y a aucune perte derrière. Donc, la dureté ne sert à rien. Envers les gens dans le besoin. Et yaqul, wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui a caché un musulman, que Allah le cachera lui-même dans cette dunya et dans l'au-delà. La salaine, cela s'oppose, ce qu'on a dit auparavant, que tu lui mentes, ou que tu le laisses, ou Raizalika. Un frère, Rasalan, il a un ox, il a des défauts, des faiblesses. Toi, la tafdahu wa mamannas. Surtout si on parle de quelqu'un qui a des fautes, qui le reconnaît, et lui-même, il se cache. Et tu, par exemple, tu l'as, à la fait que tu l'as vu. Un frère, il a fait un péché, et tu l'as vu, tu l'as su. De façon sûre. On va pas dire aux gens, un tel, il fait ça, ça, ça, ça. Adama yajouz. Dasturo. Et on parle d'un mal qui ne nuit pas aux autres. Un mal qui ne lui qu'à lui-même. Non, ça nuit aux autres, c'est autre chose. Donc, lui, tu le caches. Et tu fais un peu de nasiha. Tu le conseilles, Yahri. j'y suis avec Kada et Kada, tu vois, je te conseille, délaisse cela, c'est mieux pour toi, tu fais une nasiha, bilati yahsan. Car si jamais tu le dévoiles, la alaka tunrin shaitan alayhi. Il se peut que tu aies le shaitan sur lui, en faisant cela. Même dans les hududs, hududillah et azawajal, quelqu'un il a volé, je pense dans un peu où il a chalé à l'appliquer par exemple, il a volé, aksan rob dinar, min hijz eshay. Les conditions du vol, elles sont remplies. Il a volé, toi tu l'as vu. Eh ben toi, tu peux le cacher tant que c'est pas arrivé aux autorités. Une fois que ça arrive aux autorités, il n'y a pas de chafara. Là, ta chafara fait had min hududillah, ma yajouz, que tu intercèdes pour lui. Mais tant que c'est pas arrivé, tu peux le cacher. Allez le voir, tu me dis, Yahi, j'ai vu que tu as volé telle chose. Va rendre à la personne que tu as volé. Dans tel magasin, tu as volé telle chose, et le marchand, c'est son hak, tu n'as pas le droit de faire ça et tout. Va rendre ses affaires. Hein, tu vas le voir, et là, il va rendre. S'il ne veut pas rendre, Yahi, là après, un fi hak, un tuballira. Parce que là, c'est il a pris le droit de quelqu'un. Ou quelqu'un, il a fait une chose, personne ne l'a vu, la salade, mais il avoue, il vient se confier auprès de toi. Je sais pas, un portable a été volé. On sait pas c'est qui le voleur. Et après, le frère, alors t'en rappelle qu'il est le voleur, alors t'en rappelle. Et après, ça le touche, il craint Allah Azzawajal. Et il vient te voir toi et te dit, Yahi, en fait, c'est moi qui ai volé le téléphone. Je fais Toba et quoi, mais me dévoile pas. Rends le portable à un tel. Ne dis pas que c'est moi et tu dis le voleur, il s'excuse. Ne dévoile pas, à ce moment-là. Il a fait Toba, il a rendu le haq des gens, ne dévoile pas. Tastoro. Donc, le muslim, on le cache dans ses défauts, dans ses faiblesses. ويقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه que Allah t'aidera tant que tu seras dans l'aide de ton frère. Donc aider les gens, c'est aider toi-même. Quand tu fais du bien aux gens, tu l'as fait pour toi-même. Comme Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Vous avez fait du bien, vous avez fait du bien que à vous-même. En dans cela en réalité. Wa kama yuqal al-jazaa' min jins al-'amal, que la rétribution est en mesure de l'action accomplie. Tu as fait du bien, tu vas le retrouver. Après, il dit, وَمَنْ سَلَكَ طَلِقًا يَبْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Que celui qui cherche une voie pour trouver de la science, سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِي طَلِقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Celui qui cherche une science légiférée, donc, par la descente du dîn, par la descente de la dunya, que Allah lui faciliterait une voie vers le paradis. Ce qui prouve que طَلَبَ الْعِلْمِ سَبَبْ دُخُولِ الْجَنَّةِ. قَالَ لِيَنَ الْعِلْمِ الشَّرْعِي وَالَّذِي يُبَيِّنَ الطَّلِيقَ لِلْجَنَّةِ. فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريقون الى الجنه. D'accord, la science légiférée, c'est un moyen qui te montre une voie qui mène au paradis. Les œuvres pieuses, le délaissement des œuvres mauvaises sont un moyen qui mène au paradis. Tu ne pourras savoir comment adorer Allah Azza wa Jal ce pourquoi tu t'es créé que par le ilm. Le ilm la yustana anhu. Donc les gens se battent pour être médecin, pour être architecte, pour être ingénieur, ils disent la Ummah a besoin de ce long dinar. Mais l'Ummah ahwaj ila al-ilm. Car même en tant que médecin, tu auras besoin du ilm, savoir comment tes salawat, tes ablutions. Même en tant que médecin, tu auras des règles à connaître dans la médecine. Quoi faire, quoi ne pas faire. Donc tu auras besoin de... L'homme dont on a le plus besoin dans notre vie, c'est l'alim. Et ce sont les gens les moins nombreux sur Terre. Des médecins, t'en as à l'appel. Architectes, t'en as... Regarde combien de maisons on a. L'architecte, t'en as à l'appel. Même chez les koufars, des plus forts que nous. Médecins chez les koufars, des plus forts que nous. Ingénieurs chez les koufars, des plus forts que nous. Tout cela. Mais les ulama, chez qui ils sont? Chez les muslimines. Et qui plus est? Chez Ahl al-Sunnah wa Jama'a, chez les gens de la Sunna. Et le alim, t'en as combien dans le monde? Combien t'en as dans le monde? Ils sont rien par rapport au reste du monde. Déjà, les muslimous, ils ont le même. Par rapport aux autres, ils sont rien. Comme quoi le Nabi sallam, ma antum, mi Ahl al-Shirk, illa ka ash'al abayda fi jild thawb al-aswad. Vous êtes à l'exemple de toutes des communautés, je parle depuis les générations, pas de l'époque d'aujourd'hui, tu vois, mais que les musulmans par rapport aux gens, l'humanité, sont qu'à l'exemple d'un poil blanc sur un taureau noir. Sur un taureau noir. Donc dans ce poil blanc, trouve le ulama de la sunna. Tu peux pas les voir. C'est impossible. Déjà que les salafis en eux-mêmes, c'est la minorité infime. Il n'y a pas moins nombreux qu'eux. Et parmi eux, cherche le alim. Cherche le alim. Tout l'aim sont moins nombreux que les autres, que les arabes. Et parmi les tout l'aim, cherche celui qui sortit à alim. Chamoubou, il disait, il y avait une assemblée devant lui de 600 tout l'aim. Il a dit, si jamais 5 ulama sortent de vous, c'est un arib, un arib. Parmi vous, là, parce que vous êtes nombreux, là, si cinq sortent, ulama, c'est un rib hazim. Vous savez que les 600 là, vous n'avez pas cette tête de ulama. Parmi vous, t'en as, ils vont virer. Bon. Parmi vous, peut-être certains vont, ils vont apostasier. D'autres qui vont, il y a une harifoun. Et parmi vous, d'autres vont devenir des machères, mais un moustawa humble. D'autres vont devenir, si jamais cinq d'entre vous sont des ulama, mais c'est un gain énorme pour la umma. Et fialal, parmi ces tout l'âme. Aujourd'hui, on a plus que 5 qui sont des ulama au Yémen. Plus. Il faut de l'Allah ta'ala. Et malgré cela, ce n'est pas suffisant. Malgré cela, ce n'est pas suffisant. Et tu as des pays, tu n'as même pas un alim. Même pas un alim. Là, c'est une khasala azima. Ils vont dire, nous, on a ceci, nous, on a cela, nous, on a fait. Vous avez combien de ulama chez vous? Je parle de vrai ulama, je ne parle pas de shir l'inventé, ou le shir foulen, là, que, classe, vous l'avez inventé shir. Ulama, rabbanioun, rasikhul fil'im, vous avez combien chez vous? Même pas un. Il n'y a pas de quoi se vanter dans votre pays. Allah, pas de quoi se vanter dans votre pays. Les pays qui ont des ulama, s'ils savaient ce qu'ils avaient comme ni'ma, Allah, ils diraient, nous, on a un shir intel, et shir intel, et shir intel chez nous. Mais c'est vrai que malgré tout, comme cela va à la fin du hadith, même shir intel, si jamais tu ne suis pas shir intel dans le haq, il sert à quoi? C'est une hujja contre toi, shir intel. Tu dis, on a tel ulama, et vous êtes où par rapport à ce ulama-là? Combien de fois tu t'attends chez lui pour aller apprendre? Tout ce qu'il dit, tu fais tout le contraire. Donc, t'as rien de te monter. Ce alim, il est pas de toi. Il est pas de toi. Là, c'est juste du ta'assoub bouatani. On va dire le fanatisme nationaliste. Donc, ce hadith nous montre que Talab al-Ilm, c'est parmi les causes du Jannah. Comme à là. Donc, il dit, par rapport à cela, Mashtama'akum fi bayt min buyutillahi, et tulna kitabullahi, tatarasuna baynahum, akada. Que tu ne verras pas des gens se rassembler dans une maison parmi les maisons d'Allah, la Sajid, pour lire le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans qu'on ne descende sur eux, la quiétude, et que la miséricorde les recouvre, n'am, et que les anges les entourent. Et que Allah les cite, c'est-à-dire ces gens-là présents dans ces halakas de ilm, Allah les cite auprès de ces anges rapprochés. Donc là, le shir dit bien par rapport à cela. Que la recherche de la science doit se faire dans les masajid. C'est là le asasi. لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة وفيها السكينة ورحمة فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد. Car c'est là justement, ce sont les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là que c'est l'abri des anges. C'est là que se trouve la quiétude ainsi que la miséricorde. Donc il convient de rechercher la science dans les masajid. لا دي لا في المخيمات ولا في الاستراحات ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم ولكن المسجد أفضل. مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد وذلك أفضل. Dit maintenant, ça se fait pas dans les campements. T'as des gens, ils font des, ce qu'ils appellent des séminaires dans des campements, dans des tentes qu'ils mettent en place. Dit c'est pas là en réalité que ça se fait. Ni dans les aires de repos. Quand t'as des gens, ils font un tel système pour pouvoir, soi-disant, attirer les gens vers la science. En fait, c'est la SB les attire vers eux. Mais là, il y a plein de procédés nouveaux. Tu vois, tournoi de football, conférence avec un tournoi de football, ou un dîner caritatif, comme on dit, ou plein de choses qui n'existaient pas chez les salafs. Cheikh Foulen vient, à l'occasion, on va faire telle et telle chose, une brocante, on va vendre des affaires pour les sœurs, on va faire des recettes de cuisine, on va faire des stages de couture, on dit masha Allah. Et le rythme là-dedans, il est où? Tu vois? Ça n'existe pas, ça. Leur but, c'est quoi, ces gens-là? Amasser de l'argent, attirer les gens vers eux. Pour le Hezbiya. L'exemple que je donnais, moi, c'est quoi? Ces gens-là, c'est comme à l'exemple de quoi? Comme un pêcheur. À la ligne. Il veut remplir son panier de poisson. Eh ben, il vient, il met un appât au bout de l'hameçon. Son asticot, ou s'il y a des nouvelles techniques, je ne connais pas. Je parle à l'ancienne, moi, quand j'ai connu. Un asticot, au bout de l'hameçon. Après, il jette sa ligne. Après, il attend que ça morde. Le petit poisson, il vient, il mord, le flotteur, il bouge, hop, il tire, le poisson attrapé, ou, dans le panier, c'est fini. Eh ben, les ennemis, ils font pareil. Ils vont prendre l'amour de la science. Ils vont l'accrocher au bout de l'hameçon. Ils vont le jeter dans le nez des gens. Alim, ders, viens, kaza, kaza, kaza. La personne vient, il veut la science. Mais il connaît pas les ruses des Hizbi. Il vient, il meurt, hop, il s'attrape, pas dit Hizbi, il est avec nous. Fini. Hizbi. Il a un arha, il y a un arha, Allah, après il fait tauba. Mais c'est comme ça qu'ils font. Ce que tu vois comme artifice qui disent, ilm, doros, daura, shir foulen, kaza, c'est que pour appâter les gens vers eux. Le but, c'est pas t'amener vers le ilm, c'est t'amener vers eux. Une fois qu'ils sont eux, même le chien tel, ils peuvent le délaisser. Si, par la suite, le chien tel voit qui ils sont, mais en garde, ils vont le délaisser. Ils vont le faire tomber à leur manière. Donc attention, ce n'est pas toute personne qui appelle au ilm ou à ce genre de choses qui t'appelle vraiment au khayr. Fais attention à cela. Donc le shirimé, il dit qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des lieux mis en place comme des écoles, même les jamiat, universités, qui sont organisées pour le ilm. Il n'y a pas de manière, tu vois, si ça aide, mais ça ne vaut pas le masajid. Là, c'est un conseil qu'on donne aux frères qui sont dans les jamiat, qui étudient là-bas. Adame akshikum. S'il y a un masjid avec des ulama, allez-y. Ne négligez pas ce point-là. Ne lésinez pas là-dessus. Ça, c'est peut-être plus important que vos durous que le dire que tu vas avoir à la jamia, peut-être même avec un hizbi mutadir, je ne sais pas, ou peut-être même avec quelqu'un qui n'est pas mustaqim. Tu as un masjid avec toi, et tu as un alim, par exemple, Al-Medina, ils ont le masjid Nabawi, les durous de Cheikh Abou Mansour Al-Abbad, par exemple. Tu ne peux pas les abandonner, ces durous-là. Ce que tu fais comme durous à la jamia islamia, ça ne vaut pas ce durous-là. Il y a là, tu as un alim, un vrai alim Abbani Salafi. D'accord? Et en plus, dans quel masjid? Et quel masjid en plus? Quel masjid? Masjid Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Hada awla. Hada awla. Oh, kaza. Il n'y a pas de diplôme à l'issue, c'est vrai. Mais le but, c'est pas d'avoir un diplôme. Le but, c'est d'appliquer. Et ton diplôme, nous, on va le voir à travers tes actes. Des gens disent, j'ai étudié à Al-Medina. J'ai mon magister. J'ai mon doctorat. J'ai kaza. Tu regardes. Tu dis, franchement, à travers tes actes, je vois rien du tout. Je vois que t'es moukhaïf de la sunna. Des pieds à la tête. Je vois le haut de ta tête, je vois le bas de tes pieds, t'es moukhaïf de la sunna. Ton doctorat, il me sert à rien du tout. Ton magistère, il me sert à rien du tout. Ou même, on dit que t'es la sunna en apparence, t'es afkar, tu khalif la sunna ta maman. Tout ça, c'est contre toi. Donc, c'est pas un diplôme qui va dire qui tu es. C'est des actes qui vont dire qui tu es. Comme dans ça va venir à la fin du hadith, inshallah ta'ala. Donc là, ceux qui sont dans les masajid, les anges sont autour d'eux. Regarde le fadl. Dans les universités, dans les madrasas, il n'y a pas ça. Ça, c'est où? Dans le masjid. En plus, min salah, al-abd fi salah, man tazara salah. Celui qui vient au masjid, qui a fait une salat, et qui a l'autre salat. Et en plus, il y a un vers entre les deux, il est considéré comme étant en salat. T'as pas ce hajj dans les jamiat. T'as pas ça. Et c'est une ibadah. Et le hadith n'incite pas que les gens sont cités auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et quand ils disent dans le hadith, il y a tout le monde qui était à Allah, et dans la sunna bainahum, qui lisent le livre d'Allah et qui l'étudient, ça c'est lié au Coran à la base, bilashak. Mais ça rentre dedans tous les ulum qui amènent à comprendre le Coran. Ça va ensemble. T'apprends le nahw dans le masjid, ça rentre dedans. T'apprends le fiqh dans le masjid, ça rentre dedans. T'apprends le sarf dans le masjid, ça rentre dedans. T'apprends le mustalah, tout ça, qui t'amène à quoi? À comprendre le Coran, la sunna. Ça rentre dedans. C'est pas seulement le tajweed ou le talqin et la mémorisation. Tout ce qui t'apporte à comprendre le Coran, ça rentre dedans. ثم قال في اخر الحديث ومن بطا بي عمله لم يصير بي نصبه. Celui dont les actes le ralentiront, que son sa généalogie, c'est-à-dire son statut, ne servira à rien. Dans le sens que ce n'est pas ta personne, par exemple, tu es le fils d'un cheikh, un tel, et que t'es un gros moukhalif, ça ne servira à rien du tout. Tu as beau dire, moi j'ai étudié cheikh, un tel, et t'es moukhalif, ça ne servira à rien du tout. Tu peux dire, j'ai un diplôme, j'ai un magistère, tu khalif, ça ne veut rien du tout. Tu peux dire, ana min ahl al-bayt, je dis parmi les gens de la maison prophétique, tu es un mukhalif, ça ne sert à rien du tout. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ya Fatima bint Muhammad, is'ali min mali ma shi'ti, la ughni anki min al-ashiya. Oh Fatima, fille de Muhammad, demande-moi de me bien ce que tu veux, je serai pour toi d'aucun secours devant Allah. C'est-à-dire, si tu ne fais pas les œuvres qui conviennent, je vais boire ton père, je ne te servirai rien du tout. Tu as beau être un arabe par rapport à Arjami, ça ne vient à rien du tout. Tu as beau être quelqu'un de riche, de haut, un noble, par rapport à un pauvre, si le pauvre, il est plus savant que toi, il applique, il est meilleur que toi. Inakramakum indallah atqakum. Que le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pur entre vous. Tu avais dit, ulama à l'époque des salafs, c'était des esclaves. C'est un esclave, et pourtant, les gens venaient vers lui. Des esclaves, et aux yeux des Arabes à l'époque, c'était des Noirs, parce que les Noirs ont toujours été vus comme étant, c'est une réalité, tu vois, malheureusement. Comme on dit, par rapport aux autres, ils étaient différents et à un statut moins haut. Masalen, Atta ibn Abi Rabah, qui était les plus grands toulèbes de Ibn Abbas, d'accord, c'était un Abd, et il était noir, et pourtant, regarde, c'était un imam, la Sunna. Les gens venaient vers lui. Et plein, c'était des Mawali. Plein. Et c'était pas des Arabes. Ashab Kutub al-Sitta. Tous des Ajim. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Majah, Nasa'i. Tous des Ajim. Donc, le fait d'être un Arabe ne te rend pas supérieur à un autre. Ce qui va te rendre supérieur à un autre, ce sont tes actes. Adam. T'as beau te dire, moi je suis Saoudien, t'es pas meilleur qu'un Yéménite. T'as beau te dire, je suis Yéménite, tu ne seras pas meilleur qu'un Parisien s'il est meilleur que toi dans la Sticorama ou quoi. Bien qu'il y a plus de fois, là, je parle pas de, je parle de l'origine. Hein. Maintenant, quelqu'un qui habite à Mecca, ah ben sa résidence à Mecca, elle est meilleure pour lui que celui qui habite à Paris. Mais là, je parle de l'individu en lui-même. T'as des frères qui sont en France, qui ont plus de valeur que des gens qui sont à Mecca, à Al-Médine, par rapport à la Sticorama ou quoi. Mais là, chèque. T'as des frères qui sont à New York, donc, peut-être dans les ghettos, ils n'ont pas pu faire la hijra, ils sont bloqués là-bas, ils sont meilleurs que des gens qui sont peut-être dans le Masjid al-Nabawi qui étudie, mais qui ont yucha à l'éphone. Ah, mais là, chèque, là, mais là, je suis visé avec. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين